Et cela, dit Bixiou, pour cette petite Madame Marneff, en voilà-t-il une rouée ? Elle épouse mon ami Crevel, ajouta Du Tillet. Et elle est folle de mon ami Steinbock, dit Léon de Lora. Ces trois phrases furent trois coups de pistolet que Montès reçut en pleine poitrine. Il devint blême et souffrit tant qu'il se leva péniblement. Vous êtes des canailles, dit-il. Vous ne devriez pas mêler le nom d'une honnête femme au nom de toutes vos femmes perdues, ni surtout en faire une cible pour vos lazzi. Montès fut interrompu par des bravos et des applaudissements unanimes. Bixiou, Léon de Lora, Vauvinet, Du Tillet, Massol donnèrent le signal. Ce fut un cœur. Vive l'empereur ! Dit Bixiou. Qu'on le couronne ! S'écria Vauvinet. Un grognement pour Médor, hourra pour le Brésil ! Cria Lousteau. Ah, baron cuivré, tu aimes notre Valérie ! Dit Léon de Lora. Tu n'es pas dégoûté ! Ce n'est pas parlementaire ce qu'il a dit, mais c'est magnifique, fit observer Massol. Mais mon amour de client, tu m'es recommandé, je suis ton banquier, ton innocence va me faire du tort. Ah, dites-moi, vous qui êtes un homme sérieux, demanda le Brésilien à Du Tillet. Merci pour nous tous, fit Bixiou qui salua. Dites-moi quelque chose de positif, ajouta Montès sans prendre garde aux mots de Bixiou. Ah ça, reprit Du Tillet, j'ai l'honneur de te dire que je suis invité à la noce de Crevel.